l'amour de la paix. La paix qu'il fit avec le roi d'Angleterre, il la fit contre le sentiment de son conseil qui lui disait « Sire, il nous semble que vous perdez la terre que vous donnez au roi d'Angleterre, car il n'y a pas droit. Son père la perdit par jugement. » À cela, le roi répondit qu'il savait bien que le roi d'Angleterre n'y avait pas droit, mais il y avait une bonne raison de le lui donner. « Car, dit-il, nos femmes sont sœurs, et nos enfants cousins germains. C'est pourquoi il convient tout à fait que la paix soit entre nous. D'ailleurs, il y a grand honneur pour moi dans la paix que je fais avec le roi d'Angleterre, car il est désormais mon homme lige, ce qu'il n'était pas jusqu'ici. »